Chapitre 31. Gluot, grande chasse aux singes, les pigeons des Moluques. Le lendemain, après avoir déjeuné, mes enfants me prièrent de leur confectionner des gluots. Il fallait commencer par se procurer de la glu. Je pris à cet effet une certaine quantité de caoutchouc mêlé à l'huile de térébenthine et je plaçai le tout sur le feu. Tandis que la fusion s'opérait, je fis cueillir par mes enfants un grand nombre de petites baguettes. Puis, quand je jugeai ma glu préparée, je plongeai les petits bâtons dans le vase. Je remarquai que les oiseaux étaient en plus grand nombre que l'année précédente et un aveugle tirant au hasard dans l'arbre n'aurait pas manqué d'en abattre. Aux ordures dont étaient salis les troncs des arbres, je reconnus que c'était là leur retraite habituelle et cette réflexion me suggéra l'idée d'employer pour les détruire une chasse aux flambeaux comme font les colons de la Virginie pour prendre les pigeons. Soudain, j'entendis mes enfants s'écrier « Papa, papa, comment faire ?» Les baguettes se collent à nos mains et nous ne pouvons pas nous en dépêtrer. Tant mieux, dis-je. C'est un signe que ma glu est bonne. Au reste, ne vous désolez pas. Un peu de cendre fera bientôt tout disparaître. Et pour ne pas vous engluer davantage, au lieu de tremper les baguettes une à une, vous n'avez qu'à les prendre par paquets de 12 à 15. Ils suivirent mon conseil et s'en trouvèrent bien. Quand je jugeai qu'il y avait assez de gluots préparés, j'envoyai Jack les placer dans le figuier en les cachant sous le feuillage, de manière qu'ils parussent être des branches de l'arbre. À peine l'enfant en avait-il placé une demi-douzaine et était-il descendu pour en chercher d'autres, que nous vîmes tomber à nos pieds les malheureux ortolans englués des pattes et des ailes et encore attachés à la perfide baguette. Ces gluots pouvaient servir 2 ou 3 fois, mais bientôt ma femme, Franz et Ernest, ne purent suffire à ramasser les oiseaux, ni Fritz et Jack à remplacer les gluots qui tombaient. Je les laissai se livrer à ce divertissement, et songeant alors à ma chasse aux flambeaux, je m'occupai des préparatifs dans lesquels la térébenthine devait jouer un rôle important. Jack vint à moi avec un oiseau plus gros que les ortolans, qui s'était pris comme eux aux gluots. « Qu'il est joli, disait-il. Est-ce qu'il faut le tuer aussi? On dirait qu'il me regarde comme une connaissance. » « Je le crois bien !» s'écria Ernest qui s'était approché et dont le coup d'œil observateur avait tout de suite reconnu un pigeon d'Europe. « C'est un des petits de nos pigeons qui ont logé l'an dernier dans le figuier. Il ne faut pas le tuer puisque nous voulons naturaliser l'espèce. » Je pris l'oiseau des mains de Jack, je frottai de cendre les endroits de ses ailes et de ses pattes que la glu avait touchés et je le plaçai sous une cage à poules, songeant déjà en moi-même au moyen de tirer parti de cette découverte. Plusieurs autres pigeons se prirent encore, et avant la nuit, nous eûmes réuni de belles paires de nos Européens. Fritz me demanda de leur construire une habitation dans le rocher, afin d'avoir sous la main une nourriture qui ne nous coûterait aucune dépense de poudre. Cette idée me souriait, aussi je lui promis de le faire promptement. Cependant, Jack était épuisé de fatigue, et toute heureuse qu'avait été la chasse, ma femme n'avait rempli que 5 ou 6 sacs d'oiseaux avant de souper. Après quelques instants de repos, je commençai mes préparatifs. Ils étaient simples. C'étaient 3 ou 4 longues cannes de bambou, 2 sacs, des flambeaux de résine et des cannes à sucre. Mes enfants me regardaient faire avec beaucoup d'étonnement et cherchaient à deviner comment ces singuliers instruments pourraient leur procurer des oiseaux. Cependant, la nuit arriva brusquement, extrêmement obscure comme les nuits des pays du Sud. Parvenus au pied des arbres que nous avions remarqués dans la matinée, je fis allumer nos flambeaux et faire un grand bruit. Puis j'armai chacun de mes fils d'un bambou. À peine la lumière se fut-elle faite que nous vîmes voltiger autour de nous une nuée d'ortolans. Les pauvres bêtes, étourdies de nos clameurs, éblouies par nos lumières, venaient se brûler les ailes et tombaient à terre où on les ramassait et puis on les entassait dans des sacs. Alors je me mis à frapper de toute ma force à droite et à gauche sur les ortolans. Mes fils m'imitèrent et nous eûmes bientôt rempli 2 grands sacs. Nous nous servîmes de nos flambeaux, qui duraient encore, pour gagner Falkenhorst, et comme les sacs étaient trop pesants pour être portés par aucun de nous, nous les plaçâmes en croix sur des bâtons. Nous nous mîmes en marche deux à deux, ce qui donnait à notre cortège un caractère étrange et mystérieux. Nous arrivâmes à Falkenhorst. Là, nous achevâmes quelques-uns de nos oiseaux que les coups de bâton n'avaient fait qu'étourdir, et nous allâmes nous coucher. Le lendemain, nous ne pûmes faire autre chose que de préparer cette provision. Ma femme les plumait, les nettoyait. Les enfants les faisaient griller. Je les déposais dans des tonnes. Nous obtînmes de cette manière des tonnes d'ortolans à demi rôtis et dûment enveloppées de beurre. J'avais fixé irrévocablement au jour suivant notre expédition contre les singes. Nous nous levâmes de bonne heure. Ma femme nous donna des provisions pour deux jours et nous partîmes, la laissant ainsi que Franz sous la garde de Turc. Fritz et moi nous étions montés sur l'âne. Jack et Ernest étaient aussi de compagnie sur le dos du buffle que nous avions chargé en outre de nos provisions, et nos autres chiens nous accompagnaient. La conversation tomba naturellement sur l'expédition que nous méditions. Je dis à mes enfants que je voulais en finir avec cette malfaisante engeance des singes. « Voilà pourquoi, ajoutai-je, j'ai voulu que Franz ne fût pas témoin de ce spectacle pénible. Mais, dit Fritz, ces pauvres singes me font pitié au fond. » Ce fut avec plaisir que j'entendis cette réflexion et plusieurs autres semblables d'Ernest et de Jack. Mais je n'en persistai pas moins dans mon projet, et quoique j'eusse la même opinion qu'eux. « Il y a entre les singes et nous, leur dis-je, une guerre à mort. S'ils ne succombent pas, nous succomberons par la famine. C'est une affaire de conservation. Sans doute l'effusion du sang est pénible, mais ici il le faut. » On me demanda alors ce que nous ferions des cadavres. Je leur répondis que nous abandonnerions la chair à nos chiens. Nous arrivâmes bientôt à 10 minutes de la métairie, près d'un épais buisson. Ce lieu me parut favorable pour camper et nous descendîmes de nos montures. La tente fut aussitôt dressée. Nous mîmes des entraves aux jambes de nos bêtes pour les empêcher de s'écarter. Nous attachâmes nos chiens et nous nous mîmes à la recherche de l'ennemi. Fritz partit en éclaireur, tandis que nous restions à considérer la dévastation de la métairie. Il ne tarda pas à venir nous rapporter que la bande de pillards était à peu de distance et prenait ses ébats sur la lisière du bois. Nous nous rendîmes alors auprès de Waldeck pour procéder à l'exécution du projet que j'avais conçu avant que les singes puissent nous voir et se méfier de nous. J'avais emporté de petits pieux attachés deux à deux avec des cordes ainsi qu'une provision de noix de coco et de courge. Je plantai mes pieux tout autour de la métairie de manière que les cordes qui les unissaient ne fussent pas tendues, et je fis ainsi un petit labyrinthe où je ne laissai qu'une étroite issue entre les cordes, de sorte qu'il était impossible de parvenir à la hutte sans traverser cette enceinte et sans toucher une corde ou un pieu. Je fis une autre enceinte pareille sur une petite hauteur que les singes paraissaient affectionner et dans laquelle je plaçai des courges remplies de riz, de maïs, de vin de palmier, etc. Et tous ces pieux, ces cordes, ces courges furent enduits d'une glu épaisse et visqueuse. Le terrain fut couvert de branches d'arbres et de bourgeons également englués, et sur le toit de Waldeck, je fixai des épines d'acacia parmi lesquelles j'enfonçai des pommes de pin. J'en mis d'autres partout où elles pouvaient frapper les yeux, et toutes furent enduites de glu. Mes enfants voulurent aussi mettre des gluaux sur les arbres voisins, et je le leur permis. Ces préparatifs nous occupèrent une grande partie du jour, mais par bonheur, les singes que Fritz allait reconnaître de temps en temps ne firent pas mine d'approcher de Waldeck et nous dûmes penser qu'ils ne nous avaient pas aperçus. Nous nous retirâmes alors à notre tente près du buisson et nous nous endormîmes sous la surveillance de la Providence et la garde de nos chiens. Le lendemain de bonne heure, un cri perçant retentit dans le lointain. Nous nous divisâmes alors et, armés de forts bâtons, tenant nos chiens en laisse, nous nous rendîmes à Waldeck pour y attendre le résultat de nos combinaisons. Nous fûmes bientôt témoins d'un spectacle comique. La bande entière s'avança d'abord d'arbre en arbre, en faisant les plus étranges grimaces, contorsions et gambades qu'on puisse imaginer. Puis ils se séparèrent. Les uns continuèrent à sauter d'arbre en arbre, les autres couraient à terre. L'armée semblait n'avoir pas de fin. Tantôt ils marchaient à quatre pattes, tantôt ils se dressaient sur celles de derrière, en se faisant mille grimaces, tout cela au milieu de hurlements effroyables. Ils entrèrent sans crainte dans l'enceinte de pieux. Les uns se jetèrent sur les noix et le riz, les autres coururent à la métairie pour avoir des pommes de pin. Mais une panique épouvantable s'empara alors des maraudeurs, car il n'y en avait pas un seul parmi eux qui n'eût un pieu ou une corde ou quelques gluaux fixés à la tête, à la main, au dos ou à la poitrine. Ils commencèrent alors à courir partout avec fureur. D'autres se roulaient par terre pour se débarrasser de leurs pieux et ils en attrapaient de nouveau. Plusieurs restaient les mains collées à leurs pommes de pin sans pouvoir les détacher. Un autre venait pour s'en emparer et le groupe se compliquait de la manière la plus comique. Les plus heureux cherchaient à dépêtrer leurs jambes et leurs pieds des branches qui y étaient fixées. Quand je vis le désordre à son comble, je l'augmentai encore en lâchant mes chiens qui se précipitèrent en fureur et égorgèrent, blessèrent ou étranglèrent tout ce qui ne fut pas assez leste pour éviter leur approche. Nous les suivîmes de près, frappant rudement les singes de nos bâtons et tuant tous ceux que nos chiens avaient blessés. Bientôt nous fûmes environnés d'une scène de carnage. Des cris lamentables s'entendaient de tous côtés. Puis il se fit un grand silence, un silence de mort. Nous regardâmes autour de nous. À terre gisaient 30 à 40 singes morts. Je vis que tous mes enfants se détournaient avec horreur, et Fritz, prenant la parole au nom de ses frères, s'écria. « Ah, mon père, c'est horrible! Nous ne voulons plus faire de semblables exécutions !» Nous commençâmes alors à creuser une fosse de 3 pieds de profondeur où nous entassâmes nos singes et que nous recouvrîmes avec soin. Tandis que nous étions ainsi occupés, nous vîmes tomber à 3 reprises un corps pesant du haut d'un palmier. Nous courûmes de ce côté et nous trouvâmes 3 forts oiseaux qui s'étaient pris à quelques gluaux posés par mes fils. Nous leur attachâmes les jambes, nous leur enveloppâmes les ailes avec nos mouchoirs pour qu'ils ne puissent pas s'envoler, et nous commençâmes leur examen zoologique. C'étaient des pigeons des Moluques. Je pensais avec joie qu'ils pourraient s'habituer à vivre avec nos pigeons européens. Ils étaient beaux et gros. Tout à coup, Jack s'écria. « Papa, papa, voyez donc cette noix que je viens de trouver. »« Ah, mon petit Jack, réjouis-toi, c'est la noix muscade. » Que ma mère va être contente. Mais qu'allons-nous faire de nos prisonniers? Je les mettrai dans mon colombier. Où est-il, votre colombier? Vous voulez rire, mon père? Non, mon enfant, car c'est la première chose dont je vais m'occuper en revenant de Zeltheim. Mais maintenant, travaillons à rassembler nos bestiaux épars et à ramener l'ordre dans notre métairie, car je ne pense pas que les singes viennent de longtemps la troubler. Aussitôt dit, aussitôt fait, nos animaux furent bientôt réunis et casernés. Mais il était trop tard pour retourner à Falkenhorst. J'envoyai alors Jack me recueillir une calebasse de vin sur un palmier voisin, puis nous mangeâmes quelques cocos. En les cherchant, nous découvrîmes une nouvelle espèce de palmier, celui qu'on nomme Areca oleracea, et qui fournit une huile excellente. Après nous être reposés et rafraîchis, nous terminâmes l'enterrement des singes. Nous soignâmes nos nouveaux pigeons, nous pansâmes nos bestiaux, et quand tout fut tranquille, nous cherchâmes à notre tour le repos et le sommeil. Chapitre 32. Le pigeonnier. Rien ne troubla notre sommeil. Nous fûmes de bonne heure sur nos jambes et après un court déjeuner, nous nous hâtâmes de retourner à Falkenhorst où nous arrivâmes bientôt. Ma femme accueillit avec joie la nouvelle conquête que nous avions faite. Il lui tardait de voir s'apprivoiser et passer, pour ainsi dire, dans notre domaine, ses charmants pigeons. Je résolus alors d'établir mon colombier à Zeltheim sur le rocher au-dessus de la cuisine. On concevra difficilement la peine que nous donna ce travail. Il nous fallut détacher de forts quartiers de roc, assurer nos planches, enduire tout l'extérieur d'une couche de plâtre pour le mettre à l'abri de l'humidité, dresser un perchoir, disposer des cases, ouvrir des portes, des fenêtres. L'édifice achevé, il me restait une nouvelle crainte, c'était de savoir si les pigeons voudraient s'habituer à ce changement de demeure. Aussi, un jour que je travaillais avec mon fils aîné, tandis que ses frères étaient occupés ailleurs, je lui dis « Sais-tu un moyen de forcer nos pigeons à venir s'établir ici ?»« À moins de magie, me répondit-il, je n'en vois pas. »« Écoute, J'ai appris qu'on peut le faire en saturant ton pigeonnier d'anis, dont ces oiseaux sont très friands. Pour cela, on pétrit ensemble de l'argile, du sel et de l'anis. On place cette masse dans l'endroit qu'on veut leur faire habiter, et ils reviennent sans cesse le picoter. Eh bien, servons-nous de l'anis qu'a découvert Jack? Mais je voudrais aussi en obtenir de l'huile afin d'en enduire les ailes de nos pigeons. Pourquoi donc, mon père? Parce que les pigeons étrangers les suivent alors et viennent augmenter le colombier. Le moyen fut à l'instant mis à l'essai. On écrasa la plante, l'huile fut tamisée, elle exhalait une odeur d'anis qu'elle pouvait bien garder encore 3 à 4 jours. Nous pétrîmes alors la masse, puis nous frottâmes d'anis toutes les places que pouvaient fréquenter les pigeons. Quand nos petits garçons revinrent, nous procédâmes à l'installation des pigeons. Nous les fîmes entrer, il y en a un dans le colombier, et nous fermâmes avec soin toutes les ouvertures. Nous nous pressâmes alors autour des fenêtres de colle de poisson pour voir leur contenance, et je remarquai avec plaisir qu'au lieu de s'effaroucher de ces nouveaux objets, les prisonniers semblaient s'en accommoder fort bien et becquetaient déjà le pain d'anis. Nous les laissâmes ainsi 2 jours. J'étais curieux de connaître le résultat du charme. Le troisième, je réveillai Fritz. Je lui commandai d'aller frotter d'anis la porte du colombier et je rassemblai alentour toute ma famille en lui annonçant que j'allais donner la liberté entière à nos pigeons. Je me mis alors à décrire avec une baguette divers cercles dans l'air, puis je commandai à Jack d'ouvrir la porte. Les prisonniers sortirent d'abord timidement la tête, puis ils prirent leur volée et s'élevèrent à une telle hauteur au-dessus de nous que ma femme et mes fils, dont les yeux ne pouvaient pas les suivre, les crurent perdus pour nous. Mais comme ils n'avaient voulu s'élever que pour embrasser le coup d'œil du pays, ils redescendirent aussitôt et revinrent tranquillement s'abattre près du colombier, paraissant heureux de le trouver. « Je savais bien qu'il reviendrait, » m'écriai-je. « Jack, et comment cela se pouvait-il? Vous n'êtes pas sorcier ?»« Ernest, Nigo, est-ce qu'il y a des sorciers ?» Franz me demanda ce que c'était que la sorcellerie, et j'allais lui répondre quand je vis les 3 pigeons étrangers, suivis de 4 pigeons d'Europe, s'élever dans l'air et prendre le chemin de Falkenhorst avec une telle rapidité qu'ils furent bientôt hors de vue. « Bon voyage, messieurs, » dit Jack en leur tirant son chapeau et en leur faisant un grand salut. « Ernest, ah ah, le sorcier est en défaut !» « C'est bien dommage, » répliquaient ma femme et Fritz, « que ces charmantes bêtes soient perdues pour nous. » Je ne me laissai cependant pas troubler, et les yeux fixés sur les pigeons, je leur disais « Allez, allez vite, et ramenez-nous des compagnons demain soir ou plus tard. Allez vite et revenez, entendez-vous, petit ?» Je me tournai alors vers mes enfants et je leur dis « Voilà qui est fini pour les étrangers. Voyons ce que feront nos pigeons. » Ceux-ci ne paraissaient pas disposés à suivre leurs frères. Apercevant que la terre était couverte de graines, ils s'abattirent et vinrent les picoter. Puis ils rentrèrent au colombier comme s'ils en eussent eu l'habitude. « Jack, ceux-là, à la bonne heure, ils sont raisonnables. Ils préfèrent un bon abri à une terre inconnue. Fritz, hé, ne crie pas tant après eux. Tu sais que mon père t'a promis de les faire revenir. Son esprit familier les ramènera. » Ces mots firent sourire tous mes enfants. Et le reste de la journée se passa à lever les yeux vers le ciel pour tâcher de découvrir les fuyards. Je commençais à n'être pas rassuré. Le soir vint, nous soupâmes, et rien encore. Enfin, nous allâmes nous coucher. Le lendemain matin, nous nous remîmes à travailler. Mes fils, moitié curiosité, moitié impatience, attendaient l'issue de l'affaire quand Jack accourut vers nous tout joyeux en criant. « Il est revenu ! Il est revenu ! » Tous. « Qui donc ? Qui donc ? » Jack. « Le pigeon bleu ! Le pigeon bleu ! » Ernest. « Mensonge, mensonge, c'est impossible !» Moi. « Et pourquoi donc ? Ne t'avais-je pas prédit que le camarade reviendrait ? Et sans doute le second pigeon est en chemin. » Nous courûmes au pigeonnier. Notre fuyard était revenu avec un pigeon étranger et il avait repris sa place au colombier. Mes enfants voulurent fermer la porte sur eux. Je m'y opposai en leur objectant qu'il faudrait toujours l'ouvrir plus tard. « Et puis, » ajoutai-je en riant, « comment l'autre entrera-t-il si nous lui fermons la porte ?» Ma femme ne comprenait rien à ce retour merveilleux. Ernest seul soutenait que c'était le hasard. « Et si l'autre revient, » lui dis-je, « tu seras bien embarrassé, n'est-ce pas ?» Tandis que nous parlions, Fritz, qui parcourait le ciel de ses yeux de faucon, s'écria tout à coup, « Ils viennent ! Ils viennent !» et en effet nous ne tardâmes pas à en voir une seconde paire s'abattre à nos pieds. La joie qui les accueillit fut si bruyante que je fus obligé de la modérer, sans quoi nous aurions effrayé nos pauvres oiseaux, qui cette fois ne seraient peut-être plus revenus. Mes petits-enfants se turent, et les deux pèlerins entrèrent à leur tour dans le colombier. « Eh bien, » dis-je à Ernest. « Ernest, c'est fort extraordinaire, mais je n'en persiste pas moins à soutenir que c'est un hasard. Un hasard merveilleux, il est vrai. Moi, mais si le troisième nous revient avec une compagne, croiras-tu enfin à ma science, ou bien appelleras-tu encore cet événement un bonheur ?» Nous retournâmes dîner, alors, et nous reprîmes ensuite nos travaux commencés. Nous travaillions depuis environ 2 heures, quand ma femme nous quitta avec Franz pour aller préparer le souper. Mais l'enfant revint bientôt vers nous et nous dit d'un ton grave, avec l'air d'un héros, « Seigneur, je viens vous annoncer, au nom de notre mère chérie, que nous avons eu l'honneur de voir entrer dans le colombier le pigeon fugitif avec sa compagne et qu'il vient de prendre possession de son palais. » « Merveilleux, merveilleux !» s'écrièrent tous les enfants. Nous nous hâtâmes d'accourir et nous arrivâmes assez tôt pour être témoins d'un spectacle bien curieux. Les deux premières paires, sur le seuil du pigeonnier, roucoulaient et semblaient faire des signes d'invitation à la troisième, qui, perchée sur une branche voisine, se décida enfin à entrer, après bien des hésitations. « Je suis confondu !» s'écria Ernest. « Je vous en prie, mon père, expliquez-moi comment vous avez fait !» Je m'amusai quelque temps de sa curiosité que j'aiguillonnai encore en faisant une longue dissertation sur la sorcellerie et les sorciers, et je finis par lui découvrir le rôle qu'avait joué dans tout cela la plante d'anis. En attendant le soir, nous observâmes que les pigeons semblaient se plaire dans leur nouveau gîte. Je remarquai parmi les herbes qu'ils employaient une sorte de mousse verte semblable à celle qui se détache des vieux chênes, mais qui s'étendait en fils longs et solides, comme du crin de cheval. Je reconnus dans cette plante celle dont on se sert dans les Indes pour faire des matelas et dont les Espagnols font des cordes si légères qu'un bout de 15 à 20 pieds suspendu à un arbre y flotte comme un pavillon. Nos tourterelles apportaient de temps en temps des muscades que nous recueillions au colombier et ma femme les confiait à la terre dans l'espoir de récolter un jour cette précieuse noix. Chapitre 33. Aventure de Jack. Durant encore une semaine ou deux, nos pigeons demandèrent tous nos soins. Les trois couples étrangers s'habituèrent peu à peu à leur habitation, mais les pigeons européens, moins nombreux, réclamèrent bientôt notre assistance. En effet, les étrangers, dont le nombre s'accroissait rapidement, tant par leur ponte que par l'arrivée de nouveaux pigeons, entreprirent de les chasser et y seraient parvenus si nous n'y eussions mis ordre. Nous tendîmes des pièges à ceux qui arrivaient, et nous dressâmes autour du colombier des gluaux que nous avions soin de retirer avant de l'ouvrir. Ce procédé procura à notre cuisine des provisions abondantes. Nous lançâmes même quelquefois l'aigle de Fritz contre les arrivants. La monotonie de notre existence, divisée entre nos constructions nouvelles et nos approvisionnements divers, fut interrompue vers cette époque par un accident arrivé à Jack. Nous le vîmes revenir un matin d'une expédition qu'il avait entreprise de son autorité privée. Son extérieur était pitoyable. Il était couvert d'une boue épaisse et noire depuis les pieds jusqu'à la tête. Il portait un paquet de roseaux d'Espagne recouverts, comme lui, de mousse et de vase. Il pleurait, boitait en marchant, et nous montra qu'il avait perdu un soulier. Nous éclatâmes de rire à cette arrivée tragicomique. Ma femme seule s'écria « A-t-on jamais vu un enfant plus sale? Où es-tu allé te fourrer pour gâter ainsi tes habits? Crois-tu que nous en ayons beaucoup de rechange à te donner ?» Fritz. « Ah, quelle tournure !» Jack. « Riez, riez, et si j'eusse péri ?» Moi. « Ce n'est pas bien, mes enfants, de se moquer ainsi. Ce n'est ni d'un chrétien ni d'un frère. Vous pouvez tous deux tomber comme lui. Et que diriez-vous si l'on se moquait de vous ? Mais mon pauvre Jack, où t'es-tu mis dans cet état ?» Jack. « Dans le marais, derrière le magasin à poudre. » Moi. Mais au nom du ciel, qu'allais-tu faire là? Jack, je voulais faire une provision de roseaux d'Espagne pour nos colombiers et autres ouvrages de même nature. Moi. Ton intention était louable, mon pauvre garçon. Ce n'est pas ta faute si elle n'a pas réussi. Jack. Oh, certainement, elle a mal réussi. Je voulais, pour tresser mes paniers, avoir des roseaux assez minces pour être flexibles. Il y en avait sur le bord, mais ce que j'apercevais dans le lointain était bien plus beau et plus convenable. Je m'avançais en conséquence dans le marais pour les cueillir, en sautant de motte en motte. Mais à un endroit où le terrain paraissait solide, j'enfonçais jusqu'aux genoux et bientôt plus loin. Comme je ne pouvais sortir ni me détacher, je commençais à avoir peur et je me mis à crier, mais personne ne vint à mon secours. Fritz, je le crois bien, mon pauvre frère, nous serions accourus bien vite si nous t'avions entendu. Jack, mon pauvre chacal qui était resté sur la rive, joignait ses cris à ma voix. Ernest, beau secours, mais pourquoi ne t'es-tu pas mis à nager? Jack, à nager? Quand on a de la boue jusqu'aux cuisses et des roseaux tout autour de soi, j'aurais voulu t'y voir. Quand je reconnus que tous nos cris étaient inutiles, je tirai mon couteau de ma poche et je me mis à couper les roseaux. Puis je les rassemblai en paquets que je réunis sous mes bras. Je fis ainsi une sorte de fascine sur laquelle je m'étendis tout de mon long pour délivrer mes jambes. Après bien des efforts inutiles, je parvins à me dégager et partis marchant, partis nageant, partis rampant, je parvins enfin à gagner la terre ferme. Mais bien certainement, je n'ai jamais éprouvé plus d'angoisse. Moi, pauvre garçon, Dieu soit béni, mille fois béni de t'avoir conservé. Fritz, ma foi, je n'aurais pas eu la présence d'esprit de mon frère. Ernest, pour moi, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Jack, tu aurais eu tout le temps d'y penser dans la boue. Ah, il n'est rien de tel que la nécessité. C'est le meilleur maître en fait d'invention. Ma femme, mais tu as oublié un de ces moyens que la nécessité emploie, la prière. Jack, non, non, je ne l'ai pas oublié, et j'ai récité toutes les prières que je savais. Je me suis rappelé le jour du naufrage où Dieu nous avait secourus quand nous l'avions imploré. Je l'ai prié de même avec toute la ferveur possible. Moi, très bien mon fils, tu ne pouvais mieux agir. Ainsi Dieu t'a sauvé, il a donné de l'énergie à ta volonté, de la force à tes bras. La prière faite de cœur est toujours récompensée par l'éternelle sagesse. Louange donc, et gloire à Dieu, et remercions-le des lèvres et du cœur. Il fallut nous occuper de la toilette de Jack. L'un lui chercha des souliers, l'autre une veste, tandis que ma femme essayait de nettoyer sa défroque dans le ruisseau. Quand il fut un peu présentable, il revint à moi, son paquet de roseaux à la main. Et je ne pus m'empêcher de lui dire « Que me veux-tu donc ?» Jack. Et mon père, je voudrais savoir comment on tresse une corbeille. Moi, comment? Tu n'es pas plus avancé? Au reste, je veux bien te le montrer. Mais tes roseaux sont trop forts et trop gros pour pouvoir être tressés. Ainsi, jette-les là de côté. Jack. Et non, mon père. Quand ils sécheront, je pourrai facilement les fendre et les manier, et ils répondront à mes vues. Jack s'était assis par terre, et il avait commencé à fendre ses roseaux. Ce travail lui donnait tant de mal que ses trois frères accoururent pour l'aider. « Arrêtez, arrêtez, m'écriai-je. Avant de vous mettre à l'ouvrage, donnez-moi deux des plus forts roseaux. » Je les choisis moi-même bien droits et bien égaux, et je les attachai de manière qu'ils ne prissent aucune courbure en séchant. Je voulais en faire un métier à tisser. Je taillai ensuite un petit morceau de bois, à l'instar des dents d'un véritable métier, et je chargeai mes enfants de m'en confectionner une grande quantité de pareils. Étonnés de ce travail, ils m'assaillirent de questions sur l'usage que je voulais faire de mes petits cure-dents, disaient-ils. Mais comme je voulais ménager à ma femme le plaisir de la surprise, je me contentai de leur répondre que c'était un instrument de musique et qu'ils verraient bientôt leur mère en jouer des pieds et des mains. Les plaisanteries redoublèrent alors, mais je n'en tins aucun compte, et quand je jugeai les cure-dents assez nombreux, je les serrai en souriant et remis à un autre moment la confection du métier. Vers cette époque, la bourrique mit bas un ânon d'une superbe espèce et dont je résolus de me servir. Je lui donnai en conséquence tous mes soins, et je vis que ses formes, en se développant, répondaient tout à fait à mes désirs. Je lui donnai le nom de Rache, impétueux, et en peu de temps il mérita bien son nom, car il acquit une célérité difficile à imaginer. Nous nous occupâmes les jours suivants à rassembler dans la grotte le fourrage et les provisions nécessaires à nos bêtes pendant la saison des pluies. Nous habituâmes aussi notre gros bétail à notre voix ou au son d'une trompe d'écorce que nous avions fabriquée, en ayant soin de faire suivre dans le commencement chaque appel d'une abondante distribution de nourriture mêlée de sel. Les porcs seuls demeuraient intraitables et couraient là où il leur plaisait. Mais nous nous en inquiétâmes peu, car nous savions le moyen de les ramener en lançant nos chiens après eux. Il me vint alors dans l'idée que pendant la saison des pluies, nous aurions besoin d'avoir de l'eau pure près de nous. Je résolus donc d'établir un réservoir à peu de distance de la grotte. Des bambous solidement fixés l'un dans l'autre me servirent de canaux pour amener l'eau du ruisseau des chacals. Je me contentai de les poser sur le sol en attendant que je pusse les y enfuir. Une tonne défoncée fit l'office d'un bassin dont ma femme se montra aussi enchantée que s'il eût été de marbre avec des dauphins et des néréides vomissant l'eau à pleine gorge.